Lettre 111e, Théophanie à Agathoclès, Nicomédie, 5 mai 305. Oui, mon seul ami, oui, mon bien-aimé, je vivrai. Tu ne dois pas t'être trompé sur ta théophanie. Tu le veux, ma religion me l'ordonne, et tu es son interprète. Ne crois pas que l'idée coupable de me délivrer moi-même du poids de la vie me soit jamais venue dans l'esprit. Mais si j'ai souhaité de mourir avec toi, tu ne peux m'en faire un crime. Et Dieu me pardonnera ce désir, soumis à sa volonté. Mais je le comprimerai, puisque tu le veux. Il pourrait devenir trop vif, et par quelque négligence, me conduire à ce but que je dois atteindre avec lenteur et patience. Non, je ne souhaiterais pas de mourir avant que notre fils, peut-être nos fils, soit élevé, et que j'aie pu graver dans leur jeune cœur l'image de leur père. Et si cet enfant que je sens tressaillir dans mon sein était cette petite Larissa que tu demandais au ciel, combien ce devoir deviendrait encore plus sacré? Oui, mon Agathoclès, je veux m'armer de courage pour vivre et approuver ta conduite. Tu ne m'auras pas en vain donné le titre dont je suis fier de ton premier ami. Je veux justifier ta confiance. Elle m'élève au-dessus de moi-même, au-dessus du malheur, au-dessus de mon sexe. Oui, mon bien-aimé, tu as bien fait. Tu as agi comme tu le devais, et je ne m'en plains pas. Mais tu sens comme moi ce que j'éprouve, tu me connais. Ce cœur qui fut à toi dans tous les temps ne peut pas avoir une pensée qui te soit cachée, lors même que par une grandeur d'âme déplacée, je voudrais te cacher ce que je souffre, je ne le pourrais pas. Mais je te jure par notre amour, par nos enfants, par le saint nom du Dieu que nous adorons tous les deux, qui nous avait créés l'un pour l'autre, et dont je respecte la divine volonté, même dans notre séparation, je te jure de supporter ma triste existence. J'attends de Dieu la force nécessaire, et j'y compte avec certitude. Il ne l'a jamais refusée à la bonne volonté, à la soumission, et lui seul sait combien j'en ai besoin. Il faut que je te fasse un aveu. Un ardent souhait est encore caché dans mon cœur. Je voudrais te revoir une fois, une seule fois sur cette terre. J'ai quelque chose d'important à te communiquer, quelque chose que je n'ose absolument pas confier à une lettre, non plus qu'à la personne la plus discrète. Je me rendrai volontiers dans ta prison sous l'habit d'un esclave de Tiridate, mais mon état ne me permet aucun travestissement. D'ailleurs, j'attends d'une heure à l'autre le moment de donner la vie à un être qui, né dans de telles circonstances, ne la conservera peut-être pas longtemps. Les médecins exigent les plus grands ménagements, et je leur obéis puisque j'accomplis tes désirs en conservant mon existence. Il ne sera peut-être pas impossible d'obtenir de Galerius, sous telles conditions qu'il voudra, la permission que tu viennes revoir ta femme et tes enfants dont tu n'as pas pris congé. J'ai supplié Tiridate de s'intéresser en faveur de mon ardent désir. J'ai écrit à ma bonne Valérie de soumettre ma prière à Dioclétien. Peut-être que son appui nous sera favorable. Le Père, le bienfaiteur de tant de César, ne recevra pas un refus de celui qui lui doit le rang où il est monté et sa toute-puissance. Ne redoute pas cette entrevue, elle n'aura aucune suite fâcheuse pour ma santé et sera d'un bon effet pour ma tranquillité future. Je te promets que tu n'entendras aucune plainte et que je cacherai mes larmes. Je ne veux que te revoir encore une seule fois, fixer encore avec attention ces traits chéris, les graver dans mon cœur, entendre encore une fois les doux accents de ta voix, puiser dans ces derniers moments la force, le calme, le courage dont j'aurai si longtemps besoin. Ne me refuse pas ma dernière prière. Elle est aussi sacrée que celle d'une mourante. Hélas, c'est bien plus que la mort. C'est la meilleure partie de moi-même qui m'abandonne sans retour. De cette entrevue dépend peut-être l'accomplissement d'une chose qui me tient autant à cœur que mon salut. Si on te le permet, tu viendras donc. Tu viendras sûrement, oh oui, j'en suis persuadé. Mais encore une chose, mon bien-aimé, j'ai de fortes raisons de désirer que tu ne viennes pas sans t'être préparé dignement à recevoir la Sainte Communion, afin que tu puisses paraître devant ton Dieu, dépouillé de toutes les petites tâches dont le cœur de l'homme n'est jamais exempt, malgré toute la pureté de ton âme. Ne cherche pas à pénétrer d'avance les raisons qui me font former ce désir, tu sauras tout, et j'espère que tu es persuadé que je ne puis rien te demander d'injuste, rien qui ne soit digne de toi et de celle qui se dit avec orgueil ta compagne et ton amie. Adieu, adieu.